reporter. Dino F 380 paradoxe. Double K mon pote. DJ la coustique. 380 paradoxe. Stature, tu rêves de statue à ton effigie dans nos rues et tu voudrais que ça dure. On a crié ton manège électoral sur scène, tu fais des claquettes. Sarkozy met des talonnettes. Déguisé en marine, je ne vois pas la différence. Peut-être un problème de racine, mais au fond personne n'y pense. Adepte à la oppression, de marque allemande, ce bouffon nous ment. Sarkozy met des talonnettes. Massif ou libéral, extrémiste, ton énergie est négative et tes propos sont racistes. Aucune confiance dans ton système, sont des complexes. Tu mouilles dans toutes les affaires, t'entoures de rockstar comme Gineco et Johnny, tu fais la couve de popstar. T'es pas crédible et ta taille est gênante, homme d'état 2007. Sarkozy met des talonnettes. Les gens ont peur quand tu parles au peuple. Petit bonhomme annonce la couleur. Si tu veux prendre de la hauteur, rappelle-toi la façon dont sont tombés les empereurs. Les gens ont peur, les gens ont peur quand tu parles 20h. Petit bonhomme annonce la couleur. Vas-y, le destin d'un dictateur. Petit homme veut devenir grand, au pays des géants. Il aime bien les village people, il voulait devenir adjutant. Il s'est équipé au taser, ses amis roulant fourgonnette. Et Nicolas, ça Sarkozy met des talonnettes. L'ambition, petit homme veut les acclamations du public de la nation. Est une star de télévision pour gagner les élections. Il fait 2-3 pirouettes, oublie pas la citation. Ça Sarkozy met des talonnettes. Occupe-toi de Cécilia au lieu de faire du gardiennage. Ou alors ouvre une pizzeria, pour moi ce sera une 3 fromages. Nicolas, prends soin de ton ménage avant de le faire chez moi et souviens-toi. Ça Sarkozy met des talonnettes. Une vraie midinette, équipé d'une grande gueule. Complexé par ses allures et sa silhouette de mini-cum. Il a planté Chirac dans le dos, expulse les gens dès le landau. Et pour prendre une photo, ça Sarkozy met des talonnettes. Les gens ont peur quand tu parles au peuple. Petit bonhomme annonce la couleur. Si tu veux prendre de la hauteur, rappelle-toi la façon dont sont tombés les empereurs. Les gens ont peur, les gens ont peur quand tu parles 20h. Petit bonhomme annonce la couleur. Si le destin d'un dictateur. Ok Trimar, tu nous as pris pour des primates. Tout ça parce qu'on écrit mal et que nos frères font la grimace. T'es tricard toi, sur ta petite boîte en salopette. On t'appelle la marionnette. Ça Sarkozy met des talonnettes. La guerre des mots, c'est ton business de la peur. Et tu veux qu'un âne rampe après plus 30 ans de labeur. Tu verras les pavés se jetteront par les fenêtres. Ton programme est malhonnête. Ça Sarkozy met des talonnettes. Démagogie dans ta logique de politique. Penchant ultra-libéraliste et plus fusil automatique. Va savoir, imagine la France comme les States. Ce gars on déteste. Ça Sarkozy met des talonnettes. Que des mensonges Napoléon des temps modernes. Qui brise tant de nos rêves histoire d'imposer son modèle. Nous arrache, déchire nos lettres. Ainsi va son théorème. Sarko Le Pen c'est la même. Ça Sarkozy met des talonnettes. Les gens ont peur quand tu parles au peuple. Petit bonhomme annonce la couleur. Si tu veux prendre de la hauteur, rappelle-toi la façon dont sont tombés les empereurs. Les gens ont peur, les gens ont peur quand tu parles 20h. Petit bonhomme annonce la couleur. Si le destin d'un dictateur. Les gens ont peur, les gens ont peur quand tu parles au peuple. Petit bonhomme annonce la couleur. Si tu veux prendre de la hauteur, rappelle-toi la façon dont sont tombés les empereurs. Les gens ont peur, les gens ont peur quand tu parles 20h. Petit bonhomme annonce la couleur. Si le destin d'un dictateur. Double KO, double KO, Dino S, Dino S. ROS, c'est Sprite. C'est Sprite.